Massive Production. Capito? Moi et ça, Capito. Pas en quart de tour, dégaine de folle KTM levé. On a envie de se barrer, ça là pour les frères au palais. Nique tes morts, ça va bibi. Je lance le prototype et je les baisse sans équipe. On arrive cagoulé, plutôt on s'équipe, ça va péter. Ou c'était gros TTM, s'il faut t'arrêter. Ou dis-moi où t'étais, ou t'étais MC, moi je vais t'arrêter. Ou Marcel a fait les sauts, poteau, les stacks, la mise à l'eau. Me fait le signe voyant, les jambes écartent, j'y tiens, salaud. Il me fait le gros, il me fait le gros. Ta tête c'est un ballon de rugby, il me fait le costaud. Faire est allumé, que tu vas faire, pas de parole en l'air, la zézer. On peut de la busserine, je vais chez Menzer. Ramène ton check, toute ton équipe, tu que moi je m'équipe. Sans équipe, 19, je sais pas. Moi, y'a trop de soeurs de pif. On n'a pas peur de la police. Allo, Gambino, y'a un barrage devant la vis, nous. Mon petit poteau, mais tout. Parce qu'il n'aurait fou. Je vais leur mettre un trou. Peut-être dans la rap, c'est trop des faux voyous. Autocol, je fais le toca. Ich, pied de biche, c'est ce que tu piches. Je prends du pige, je pars de là, j'arrête de me faire le ich. Et je vous nique. Marseille, c'est quartier nord. On dit que t'es mort. On fait une balle qui mort. La prendre, moi, je la dévore. Ramène Igor, des scores. Ramène, ramène, tout est mort. Venu voir dans les quartiers nord, poteau. Ramène, tout est mort. Contre le vessie, j'ai les bras levés. Elle veut me toucher les couilles. Cagoule, mais à boule. 13-0-15-14 à la fouille. Je déboule, les douilles, débrouille. Ma gouille, elle est grouille. On dit Gambi, faut tout niquer, poteau, avec ça part en couille. Bébé, arrête, bégan, on te cartouche. Tu louches, je vois rejoquer. Tu fais la star, combien de cartouches. C'est là pour les maisons d'arrêt. Pour les dents cassées, les petits, les fins, les gros tassés. En plus de ça, tu fais le voyou. Sans les dégâts qu'on met à ramasser. D'être cramé dans le TTD. Tu me languis déjà l'été. Ça prend des peines à des chiffres. Préviens les ça à fuser. Toute la journée des TP, voiture, charbon, ravitaillé. Y'a les filles. Style 2, je vais les choquer. Sur PP que ça va péter. Y'a les filles. Viens nous voir dans les quartiers nord, c'est noir avec la force volée. Y'a les filles. Pour être arrêté allumé, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire à lui. Ça m'écoute sur 10h, c'est mes morceaux dans le poste qu'à 7h à 7. Poussette collée dans la putette, j'aime ses faussettes. Gambino c'est magique, mais normal on se met une tête. C'est Félix Pierre à la solide, t'inquiète pour moi ça part perpète. Et je me la pète, pas me regarde, pas ne me teste. Pas nous on parle, pas de 40 ans, je me vois dans une villa avec une armerie. Si demain ça pète pas, poteau, je ferai une spadjiri. T'atterris, moi je suis d'ailleurs décalé comme mon frère à mal. Je pourrais passer un mois à l'hôpital, le port en plus de balles. Je pourrais pas perdre mon respect, poteau, même si ça rafale. Décaleur en balle, MC, faut faire la queue, je pourrais trafale. Bébé, alors MC, écoute bien. Ça tu paies un peu de partout pour aller rentrer dans le bain. Et ta mère c'est L'Oréal, parce que moi je le vaux bien. À part les géants futuristes, dis-moi qui m'attend, tu la mets. Viens nous voir Chita, j'habite la Sabine la Soli. T'inquiète, j'arrête le rap, tu touches à la famille. Prends la chicaliste en KTM, la pointe de la vis. Pas trop voyou, sinon poteau on te verbalise. Puna moula, consola. Viens nous voir Chita, on met la cagoule la ninja. J'ai pas ta la bus, les Olivier le maga. Il assume sa folle, alors tu me fais le bourraga. Pas de fils de pute, tu dis que chacun ça répète. Mets une capote sur ta tête, si ta balance, t'as fait la pute. Ils sont là pour les intérêts, tous tes potes, tous des putes. T'as pris une peine à deux chiffres, c'est bizarre, ils font les putes. Gambino qui dégoûte ta sœur. Regarde le cul de ta sœur, depuis toujours, c'est nous les hommes. Quartier nord dans les projecteurs. Gambino qui dégoûte ta sœur. Regarde le cul de ta sœur, depuis toujours, c'est nous les hommes. Quartier nord dans les projecteurs. Toute la journée des TP, voiture, charbon, ravitaillé. Y'a les filles. Style 2, je vais les choquer, sur PP que ça va péter.